soirée, il est 18h sur Maxi France. Maxi France, www.maxifrance.fr, c'est 24h sur 24, le meilleur de la chanson française, des années 80 à nos jours. Et tout de suite, on va faire un petit point sur l'information avec le Flash Info de Léo Hardouel. Léo, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Amplifier, accélérer, simplifier la nouvelle doctrine du gouvernement pour lutter contre le coronavirus. Après un retard à l'allumage, la campagne de vaccination va s'intensifier. 300 centres contre le coronavirus seront mis en place dès la semaine prochaine dans tout le pays et 500 la suivante. Concernant le vaccin Pfizer-BioNTech, Gabriel Attal a précisé que la France aurait ce soir 1 million de doses. Au total, 500 000 supplémentaires seront ensuite acheminés chaque semaine. La France qui pourra bientôt compter également sur le vaccin des laboratoires américains Moderna. L'Europe a donné son feu vert aujourd'hui pour une mise sur le marché. Il faut maintenant attendre l'avis de la haute autorité de santé. C'est un coup dur pour l'emploi. Le fabricant de pneus Michelin annonce jusqu'à 2300 suppressions de postes en France sur les trois prochaines années, soit 10% des salariés. La direction l'assure, il s'agira de départs non contraints qui entrent dans le cadre d'un plan de simplification de compétitivité. Un homme blessé par balle à Toulouse, ça s'est passé ce matin. Les tireurs cagoulés ont pris la fuite à bord d'une voiture depuis plusieurs semaines. Le règlement de compte sur fond de trafic de stupéfiants se multiplie dans la ville, avec 5 morts au total et plusieurs blessés l'an passé. La justice annule la cagnotte en ligne lancée il y a 2 ans en faveur de Christophe Detinger. 145 000 euros avaient été récoltés pour soutenir l'ancien boxeur qui avait frappé des gendarmes lors d'une manifestation de gilets jaunes. La somme avait ensuite été suspendue par la plateforme Litchi. Au final, l'argent sera restitué aux donateurs. Aux États-Unis, c'est toujours l'incertitude en Géorgie concernant l'élection sénatoriale. Les démocrates ont déjà remporté l'un des deux sièges mis en jeu. Reste à savoir maintenant s'ils remporteront le second pour obtenir un avantage politique décisif. Pour le moment, le démocrate John Ossoff est donné vainqueur d'une courte tête, mais il reste encore quelques centaines de bulletins à dépouiller. Et enfin, à la page des sports, il y a du foot ce soir, 18e journée de Ligue 1, 10 matchs au programme, notamment le PSG en déplacement à Saint-Etienne à 21h. Première sortie des Parisiens depuis l'arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc. Ce sera aussi la première de Raymond Domenech ce soir sur le banc des Canaries. Nantes reçoit le Stade Rennais. Voilà pour l'essentiel de l'info. Très bonne soirée à tous. Merci Léo. Prochain rendez-vous avec l'information, ça sera demain matin avec le Flash Info de Jean Damien.